Chapitre 34e. L'arrivée du nouveau recteur était l'événement qui défrayait toutes les conversations, tant à Hawthorne qu'aux environs. Les oreilles de M. Haldimand devaient lui tinter bien avant d'entendre les cloches du village carillonner en son honneur. Enfin, le grand jour arriva. Le portrait que chacun s'était tracé du nouveau recteur ne correspondait nullement, bien entendu, à la réalité. Dès qu'on le vit paraître sur le seuil de l'église, tout le monde fut unanime à dire qu'il ressemblait plus à un évêque qu'à un recteur. Il était jeune, grand et de belle prestance. Il avait le teint mat, le regard profond, intelligent, des traits nobles et fins, la physionomie éclairée par le rayonnement d'une belle âme. Il embrassa d'un coup d'œil sympathique toute la congrégation réunie et regarda d'un air de satisfaction la décoration de fleurs préparée par Lady Frances et son ami. Tous deux étaient agenouillés dans le banc de Fairview. Sir Everard les avait accompagnés, selon son invariable coutume. Madame Aspinall était aussi présente, lorgnant à bout portant le recteur. En dehors de lui, elle n'avait Dieu que pour Sir Everard, se disant in petto, qu'il eût bien mieux fait de convoler en seconde noce que de traîner une vie si dépourvue d'intérêt et d'avenir. L'allocution de M. Haldimand impressionna profondément son auditoire. Chacun sentit en son nouveau pasteur un ami et un conseil. Le courant sympathique s'établit entre lui et ses paroissiens. Au sortir de la cérémonie, il n'y avait qu'une foi sur son compte et, pour reconnaître, qu'on n'avait pas perdu au change. 8 jours après, Madame Aspinall invitait M. Haldimand à dîner et conviait également pour ce même jour à sa table les habitants de Fairview. La physionomie si mélancolique de Dulcy ne pouvait manquer d'éveiller la compassion du recteur. Il jugea à première vue que cette jeune personne avait quelque chagrin, et il se promit de sonder la blessure et de chercher à la guérir. Au bout de peu de jours, il se présentait à Fairview en solliciteur. Il venait demander à Dulcy son concours pour les écoles qu'il voulait organiser. Ayant eu la bonne chance de la trouver seule, il mit la conversation sur différents sujets, de façon à mieux pénétrer dans l'intimité de cette jeune âme. Dulcy répondit à M. Haldimand que la santé de son père l'obligeant dorénavant à quitter l'Angleterre chaque hiver, elle ne pouvait que remplir bien superficiellement la mission dont il désirait la charger. « Ce n'est pas là un motif suffisant, répondit le recteur, pour vous désintéresser des gens de votre pays et pour vous dispenser d'être pour eux une bienfaitrice et une consolatrice. Hélas, ceux qui consolent ont souvent eux aussi besoin d'être consolés. Je comprends en effet que la santé de votre père soit pour vous une cause de chagrin, mais ce ne sera, il faut l'espérer, qu'un nuage passager dans votre existence. Ah, cette existence est un tissu d'épreuves. Ma mère a perdu la vie en me donnant le jour. Mon père, vous aurez du moins toujours la consolation d'avoir été son bon ange ici-bas. Et lorsque l'heure fatale de la séparation sera venue, votre foi vous soutiendra dans cette pensée. Que les êtres qui nous quittent conservent dans leur nouvelle patrie le souvenir de ceux qu'ils ont aimés, et que nous les retrouvons tous au ciel pour l'éternité. Devons-nous tous, sans exception, être réunis dans le sein de Dieu? Le coupable n'en est-il pas exclu? Le pécheur impénitent seulement, mais Dieu accorde toujours le pardon à celui qui se repent et qui cherche à réparer ses fautes. Il faut qu'il les répare, oh oui, je le sais. Reprit Dulcy d'un air profond et accablé. Le repentir seul ne suffit pas. Pour échapper aux terreurs implacables d'une conscience bourrelée de remords, le coupable finit presque toujours par satisfaire à cette loi. Voyez ce misérable qui est venu l'année dernière s'offrir en holocauste à la justice pour un crime comme il y a 20 ans. La pensée de la mort sans expiation a triomphé chez lui de la crainte même du supplice. M. Haldimand n'eut pas plus tôt prononcé ces paroles qu'il s'aperçut que le visage de Dulcy était blanc comme la neige et que sa physionomie trahissait une grande émotion. « Pardonnez-moi, je crains d'avoir abordé un sujet qui vous est pénible. » « Oui, c'est vrai, car d'anciens liens d'amitié existent entre nous et la famille Blake. Nouveau venu dans le pays, je me trouve exposé à commettre souvent des maladresses involontaires. Vous me pardonnez, j'espère, Miss Courtenay ?» M. Haldimand, rassuré par le regard affirmatif de Dulcy, passa à un autre sujet de conversation, celui des écoles. Elle parla au nouveau recteur de Miss Dora Blake comme de l'auxiliaire la plus zélée et la plus dévouée qu'il pût avoir. Si vous aviez la bonté de me présenter à cette dame, je vous en serais bien reconnaissant, dit M. Haldimand à Dulcy. Comme je crains de ne pas la voir d'ici longtemps, je prierai une autre personne de me remplacer dans un rôle qui m'eût été à coup sûr fort agréable à remplir. » M. Haldimand avait assez de tact pour comprendre qu'il venait encore une fois de faire fausse route. Il se disait que décidément un mauvais sort semblait prendre plaisir à le rendre désagréable à cette jeune fille. Il se promit, en la quittant, d'aller chez Mme Aspinall et d'obtenir d'elle quelques éclaircissements sur certains points contre lesquels il s'était heurté en causant avec Dulcy. Mme Aspinall s'empressa de prouver à M. Haldimand à quel point elle était fière de la confiance qu'il lui témoignait en faisant au recteur l'historique du village. Elle débuta en disant qu'elle ne pouvait comprendre comment M. Moke, son prédécesseur, ne s'était pas fait un cas de conscience de partir sans lui avoir indiqué certains obstacles à tourner pour ne pas mettre inconsciemment les pieds dans le plat. « C'est la maladresse que je viens de faire sans doute en parlant à Miss Courtenay de Vargas Humphrey et en la priant de vouloir bien me présenter à Miss Blake, dont elle me vantait la charité, le dévouement, la générosité. Oui, en effet, il était difficile de tomber plus mal. Expliquez-vous, je vous prie. Eh bien, sachez pour votre gouverne, mon cher monsieur, qu'il ne faut jamais parler à Miss Courtenay de Humphrey Vargas, car sa victime était Walter Blake, père de Morton, son fiancé. Ah, j'ignorais qu'elle fût fiancée. Elle ne l'est plus. Pour satisfaire aux caprices d'un père autoritaire et atrabilaire, Miss Courtenay a renoncé à la réalisation de ses espérances les plus chères. Mais elle en a ressenti un profond chagrin, car depuis ce temps elle a perdu tout son entrain et sa gaieté. Pour en arriver là, un père doit obéir à des motifs bien impérieux. N'étaient les idées radicales de Morton, on pourrait dire qu'il a tout pour lui. Il est beau, intelligent et ambitieux. Qu'est-ce qu'un père peut demander de plus à un gendre? C'en est assez pour me confirmer dans la conviction que Sir Everard a dû obéir à des raisons implacables pour en arriver là. Si la tristesse qui dévore le cœur de sa fille n'a pas échappé à l'œil d'un étranger, celui d'un père doit certes être plus clairvoyant encore. Pauvre douce Dulcy, que je la plains. Après avoir répété plusieurs fois qu'il y a dans la vie des choses étonnantes, incompréhensibles, Mme Aspinall pria le recteur de prendre une tasse de thé avec elle, ce qu'il refusa, sous prétexte qu'il devait rentrer chez lui pour étudier de nouveau l'organisation des écoles et chercher d'utiles auxiliaires.